Dépêche Mode sur RGM. Il est presque 8h36, on fait un point. Donc maintenant, sur tous ceux qui sont nés un 8 juillet. 1951, naissance d'Angelica Huston, actrice américaine connue pour son rôle de Morticia Adams dans le film La Famille Adams et les valeurs de la famille Adams, et vue dans la série télé Smash dans le rôle d'Hélène Rand. 1957, naissance de Mimi Mati, actrice française vue dans les téléfilms Une nounou pas comme les autres, Une nana pas comme les autres, À trois c'est mieux ou encore Trois filles en cavale. On la connaît bien évidemment pour son rôle de Joséphine Delamare depuis 1997 dans Joséphine Ange Gardien. Elle est apparue dans quelques épisodes de Demain nous appartient et également dans un épisode même deux de Camping Paradis. 1958, naissance de Kevin Bacon, acteur américain vu dans Vendredi 13, Footloose dans le rôle de Ren McCormack, La Rivière Sauvage, Meurtre à Alcatraz, Mystic River dans le rôle de Sean Devine, X-Men Le Commencement dans le rôle de Sebastian Shaw ou encore la série télé Following dans le rôle de Ryan Hardy. 1959, naissance de Robert Knepper, acteur américain vu dans Le Transporteur 3, Hunger Games, La Révolte, Partie 1 et Partie 2 dans le rôle d'Antonius, dans Jack Reacher, Never Go Back, la série télé Prison Break dans le rôle de Theodore Bagwell alias T-Bag, Esprit Criminel, Hawaii 5-0, les séries Arrow et Flash dans le rôle de William Tuckman alias Clock King et dans les séries Chicago Fire et Chicago Police Department dans le rôle d'Adrian Gish. 1961, naissance d'Andrew Fletcher, musicien anglais du groupe Depeche Mode. 1962, naissance de Jen Osbourne, auteur, compositeur, interprète américaine. 1963, naissance de Rocky Carroll, acteur américain vu dans Né un 4 juillet, USS Alabama, la série télé Chicago Hope dans le rôle du docteur Keith Wilkes, espion d'État, Grey's Anatomy, NCIS Enquête Spéciale dans le rôle de Leon Vance, rôle qu'il reprend d'ailleurs dans quelques épisodes d'NCIS Los Angeles et NCIS Nouvelle-Orléans. C'est également l'année de naissance de Michael Cuesta, réalisateur, scénariste, producteur américain, à qui l'on doit les séries télé Six Feet Under, Dexter ou encore Homeland. 1966, naissance de Philippe Vasseur, acteur français connu pour son rôle de José Da Silva dans les séries télé Enel, Hélène et les garçons, Le Miracle de l'Amour, Les Vacances de l'Amour et Les Mystères de l'Amour. 1968, naissance de Billy Crudup, acteur américain vu dans Big Fish, Mission Impossible 3, Raison d'État de Robert De Niro ou encore Blood Ties de Guillaume Canet. C'est également l'année de naissance de Michael Weatherly, acteur américain vu à la télévision dans Amoureusement Vôtre, Charmed, Ally McBeal, Dark Angel dans le rôle de Logan Cole, NCIS Enquête Spéciale dans le rôle de l'agent spécial Tony DiNozzo, ainsi que NCIS Nouvelle-Orléans et NCIS Los Angeles, vu également dans la série Major Crimes ou plus récemment dans la série Bull dans le rôle du docteur Jason Bull. 1975, naissance de Claire Kame, actrice et chanteuse française, vue dans les sagas de l'été Zodiac et le maître du Zodiac dans le rôle d'Esther Delettre, les Edelweiss dans le rôle d'Anne-Sophie, Nom de code Rose, L'inconnu de Brocéliande, Les Secrets ou encore Infidèle. 1977, naissance de Milo Ventimiglia, acteur américain vu dans Grâce de Monaco dans le rôle de Rupert Allan, Creed 2 dans le rôle de Robert Balboa, alias Bobby, la série télé Gilmore Girls dans le rôle de Jess Mariano, Mes plus belles années, Heroes dans le rôle de Peter Petrelli, et depuis 2016, il tient le rôle de Jack Pearson dans la série This Is Us. 1980, naissance d'Eric Chouinard, joueur de hockey sur glace canadien, ayant joué en NHL pour les Flyers de Philadelphie, en DEL pour l'équipe de Nürnberg Ice Tigers, en KHL pour le Dynamo Minsk. Entre 2014 et 2017, il a joué pour les Brûleurs de Loups de Grenoble. Et entre 2017 et 2018, il a joué pour les Beirut Tigers. 1982, naissance de Sophia Bush, actrice américaine connue pour son rôle de Brooke Davis dans la série télé Les Frères Scott, son rôle de l'inspecteur Erin Lindsay dans Chicago Police Department, ainsi que Chicago Fire, Chicago Med et Chicago Justice, et également New York Unité Spéciale. 1986, naissance de Kenza Farah, chanteuse franco-algérienne, notamment connue pour le titre Je me bats, dont on écoute tout de suite un extrait. Kenza Charismatique. sans moi. J'ai trimé dans la musique depuis toute petite. Honnêtement, j'ai jamais fait ça pour le fric. J'ai promis de toujours rester authentique pour ne pas qu'on puisse dénaturer ma musique. Et j'ai entendu tant de gens qui parlaient sur moi, qui racontaient que Kenza était sur d'elle. Des histoires et des mensonges à propos de moi, pour que je ne puisse pas déployer mes ailes. Je me bats, j'ai l'habitude d'avancer dans l'incertitude. J'ai gardé la même attitude. Voilà pour l'extrait de Kenza Farah avec le titre « Je me bats ». On continue les anniversaires. 1988, naissance de Fanny Agostini, animatrice télé française qui depuis 2017 présente l'émission Thalassa. 1990, naissance de Kevin Trapp, footballeur allemand qui de 2008 à 2012 a joué pour le club de Kaiserslautern, de 2012 à 2015 pour le club de Francfort. Depuis 2015, il est en contrat avec le Paris Saint-Germain, mais depuis 2018, prêté de nouveau à Francfort. 1992, naissance de Lubna Gourion, actrice française connue pour son rôle d'Alix Provin dans la série Plus belle la vie. Depuis 2012, elle joue dans Mère et fille le rôle de Barbara Marteau. 1998, naissance de Jaden Smith, acteur américain, vu dans La recherche du bonheur dans le rôle de Christopher Gardner Jr., Karate Kid dans le rôle de Dre Parker ou encore After Earth dans le rôle de Kitty Hedge. En 1943, décédé Jean Moulin, homme politique et résistant français. En 1994, décédé Dick Sargent, acteur américain, connu pour son rôle de Jean-Pierre dans la série Ma sorcière bien-aimée, hein, dans les années 60 et début 70, vu également dans Drôle de Dame, Shérif, Fais-moi peur, Arabesque ou encore Columbo. En 2011, décédé Robert Blossom, acteur poète américain, vu dans Gatsby le Magnifique, Rencontre du troisième type, L'évadé d'Alcatraz dans le rôle de Doc ou encore Maman, j'ai raté l'avion dans le rôle de Marley. En 2012, décédé Ernest Borgnine, acteur américain, vu dans Les Gladiateurs dans le rôle de Strabo, Les Douze Salopards dans le rôle du général Warden ou encore la série télé Supercopter dans le rôle de Dominique Santini. Et en 2014, décédé Dave Legueno, acteur britannique, vu dans Batman Begins, Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 et partie 2 dans le rôle de Fenrir Greyback. Allez, tout de suite, on s'écoute Jane Osborne avec son titre One of Us. If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. And yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. Trying to make his way home. Back up to heaven all alone. Nobody calling on the phone. Except for One of Us, le titre de Jen Osborne sur le 107 FM, un peu plus de 8h49, je peux même presque dire 8h50. On fait un point sur la météo. La météo. Alors, ce matin, c'est pas mal couvert en nuages. Quelques averses de pluie sont même à prévoir pour ce matin. Pour cet après-midi, ce sera plutôt le retour des éclaircies. Des températures comprises entre 15 et 16 degrés ce matin, entre 20 et 22 degrés prévues pour cet après-midi. Et oui, enfin, on respire de nouveau. Mardi sera une belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés demain matin, entre 22 et 24 degrés pour demain après-midi. Mercredi sera une belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre 14 et 15 degrés le matin et entre 22 et 24 degrés prévues pour mercredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le football féminin et les Américaines sur le toit du monde. Elles ont remporté hier leur quatrième titre de championne du monde en battant les Pays-Bas 2-0. À noter que Megan Rapinoe a été élue meilleure joueuse de la Coupe du Monde et c'est la Suède qui empoche la médaille de bronze. En Copa América, c'était la finale hier et c'est le Brésil qui s'est imposé 3-1 face au Pérou. Un mot de basket féminin maintenant avec l'Euro et malheureusement, la France s'est inclinée hier en finale face à l'Espagne, 66-86, mais belle médaille d'argent quand même pour nos Françaises. Un mot de judo avec le Grand Prix de Montréal, c'était le grand retour de Teddy Riner après 18 mois d'absence. Eh bien, il a gagné. encore et toujours. Un mot de rugby féminin maintenant avec les super séries où ce week-end, nos Françaises ont battu la Nouvelle-Zélande 25-16. Très belle performance de nos Bleus. Un mot avec le Tour de France maintenant. L'étape 1 a été remportée par Mike Tennyson au sprint. L'étape 2 hier, c'était contre la montre par équipe, victoire de l'équipe Jumbo-Visma. Et aujourd'hui, étape numéro 3 entre Binche et Épernay. Il y aura un sprint intermédiaire au kilomètre 102 et 4 côtes de 3e catégorie. C'est bientôt le Tour de France dans les Vosges, tenez-vous prêts. On termine cette actu sportive avec le tennis et Wimbledon. Que s'est-il passé ce week-end ? Eh bien, côté féminin, à noter vendredi l'élimination de Wozniacki. Samedi, l'élimination de Steven Bertens, Bencic et Wang. Aujourd'hui, Kvitova affrontera Konta. Serena Williams sera opposée à Suarez Navarro. Alep à Goff. Barty affrontera Risk. Pliskova sera opposée à Mukova. Svitolina affrontera Martic. Et Mertens sera opposée à Strikova. Côté messieurs, vendredi, les éliminations de Anderson, de Géaliassim, qui s'est incliné face à notre Français Hugo Humbert. L'élimination également de Kachanov ou encore Medvedev. Samedi, l'élimination de Tsonga par Rafael Nadal. Lucas Pouille a été éliminé par Roger Federer. A noter également les éliminations samedi de Fonini ou encore Schwartzman. Et en double, messieurs, à noter l'élimination de Pierre Hugerbert et Andy Murray. Aujourd'hui, deux Français sur les cours. Benoît Paire affrontera Bautista Agut et Hugo Humbert affrontera Novak Djokovic. Nadal, lui, sera opposé à Souza, Federer à Berrettini. Nishikori affrontera Kukushkin. Goffin sera opposé à Verdasco et Raonic affrontera Peya. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale signée Marc Lavoine et Claire Kame sur le titre « Je ne veux qu'elle ». Parfois, on fait semblant d'y croire. autant le vivre même un peu. Même si on garde nos manteaux, même si la fin arrive un peu trop tôt, j'aurais vécu d'avoir voulu ta peau. On aura aimé pour de bon. Et même si j'ai beau savoir, nos raisons ne se séparent, même si l'envie est plus vive, cet amour comme un art, même si parfois j'en on fait semblant d'y croire, autant le vivre même que. Je ne veux qu'elle, Marc Lavoine et Claire Kame sur RGM. Il est presque 8h58, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, on fait un petit point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, la rediffusion de Clip Clap, on tourne avec Tanguy. 11h, Durablement Vôtre, présenté par Eric. Ensuite, à 15h, Salut les 60 avec Gérard. 20h, Le Calendrier de François. Minuit, La Christoire du cinéma. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.